Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Le café burundais vient de remporter la première place au marché international à travers la compétition qu'on a appelée Cup of Excellence. À la grande satisfaction du chargé de la communication à la société Intercafé, qui précise que le prix au kilogramme de cette catégorie de café est de 110 dollars américains, alors que le kilo de café ordinaire ne s'achète qu'à 3 ou 4 dollars américains. Et le Burundi ne perdra rien de son retrait définitif du statut de Rome, mettant en place la Cour pénale internationale. C'est la réaction de Kefani Bizi, président du parti Frodibou Nyakuri, au moment où ce retrait sera effectif ce 27 octobre. Et le parti Sawanya Frodebou réagit, considérant que le Burundi n'est pas un îlot qui échappe à la communauté internationale. Vous entendrez Fenias Nigaba, porte-parole de ce parti. Et à l'occasion de la célébration ce jeudi de la Journée internationale de la femme rurale, une association de défense des droits de l'homme réclame la révision du code des personnes et de la famille et souhaite que les hommes soient obligés de respecter le droit des femmes à être associés pleinement à la gestion du patrimoine familial. Voilà pour le sommaire de ce journal mis en ordre par Séraphine Hakiziman. Rebonjour, le café burundais a réussi hier la première place au marché international à travers la compétition dénommée Cup of Excellence. Et cela a été dit par Augustin Manirakiza. Il est chargé de la communication à la société Intercafé. Il précise que le kilo de café d'excellence s'est vendu à 110 dollars le kilo, tandis que le kilogramme du café ordinaire se vend à entre 3 et 4 dollars américains. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Thierry Mfayokurera. Organisé cette compétition et les meilleurs cafés ont été sélectionnés. En effet, quand on a fait la sélection de ces cafés, il y avait un jury national qui a fait d'abord une présélection et puis une compétition nationale pour avoir des lots à présenter au niveau d'un jury international qui regroupait des différents acheteurs en provenance du monde entier. Et ce sont ceux-là donc qui ont pu choisir ou déterminer les lots gagnant de la compétition Cup of Excellence 2017. Par la suite, ces cafés sont vendus sur la plateforme Internet aux États-Unis d'Amérique. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé hier où ces cafés ont été vendus. Et le premier café a été vendu à 115 dollars le kilo. Et le dernier du prix qu'on a eu, c'est à 15 dollars par kilo. Ce café d'excellence, il provient de quelle région du Burundi exactement? Oui, effectivement, le premier du café a été de à la station de Kibingo. Mais en effet, il y a d'autres aussi, l'eau qui en provenance de Kirimiro et en provenance également de la région de Mumigwa ou Yengero et un peu partout dans le pays, effectivement. Et justement, ce café, combien de kilos qui vont être vendus? Il y a eu des lots gagnants qui ont été choisis. Ces lots sont au nombre de 23 qui représentent environ le total de la quantité de environ 14 tonnes. Et le prix de ces lots qui a été vendu était de 400 kilos et qui a été vendu à 110 dollars par kilo. Sinon, le prix moyen a été environ de 19 dollars par kilo. Et puis, le secrétaire permanent et porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique demande au gouverneur des provinces et au maire de la ville de mobiliser leurs dirigeants à répondre massivement aux festivités commémoratives du 24e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie, Melchior Ndadaye. Terence Nahiraja a indiqué dans un communiqué rendu public ce jeudi, annonçant cette fête nationale, que le port des signes des partis politiques est strictement interdit à ceux qui répondront présents à ce rendez-vous. Il n'a pas oublié de préciser qu'il y a toujours des Burundais qui manifestent l'intention de torpiller la démocratie. On l'écoute. Au moment où nous commémorons le 24e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie au Burundi de ses proches collaborateurs, nous devrions reconnaître que ce qui s'est passé la nuit du 20 au 21 octobre 1993 est un acte ignoble, un crime contre l'humanité qui a fait reculer en arrière notre pays. Disons-nous tous ensemble, plus jamais ça, non seulement au Burundi, mais aussi dans le monde entier. La commémoration de cet événement historique arrive au moment où le Burundi franchit une étape très remarquable de la démocratie, surtout que ça fait plus de 2 ans que le peuple burundais vient de mettre en place toutes les institutions à travers les élections démocratiques de 2015. Cependant, Lors de ces dernières élections, le peuple burundais a constaté qu'il existe encore une poignée de gens antidémocrates qui a tenté de saboter ces élections en se coalisant avec le groupe de putschistes le 13 mai 2015. Que de tels comportements soient effacés dans la mémoire de ces gens. Surtout que ça rappelle au peuple burundais les événements malheureux qui ont endeuillé notre pays à maintes reprises. Envie d'honorer la mémoire de ce héros national de la démocratie, tout Burundais est invité à œuvrer pour la paix, la sécurité, la démocratie, le travail, source de développement durable. Les gouverneurs de province, le maire de la ville de Bujumbura et les adversaires communaux sont invités à veiller à une mobilisation de la population en général et des cadres agents de l'État en particulier, tant du secteur public que privé, pour une bonne participation à cette commémoration. Étant donné l'ampleur de cette journée, il nous plaît de rappeler que ce n'est pas l'occasion de la propagande des partis politiques avec des signes distinctifs, mais plutôt les partis politiques sont invités à déposer les gerbes de fleurs au lieu prévu. Signalons qu'en date du 21 octobre 2017, les drapeaux nationaux seront hissés en Berne. Terence Nahiraja, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Et puisque nous parlons commémoration, sachez que ce jeudi, le monde célèbre la journée mondiale de la femme rurale. L'occasion pour le président de l'organisation ENCT, où est ton frère, Association de défense des droits de l'homme, d'indiquer qu'il se remarque encore des femmes qui sont exploitées par leur mari. Ces femmes s'occupent seules de leur ménage. Prime Mbarubukeye invite le gouvernement à changer certains articles du Code des personnes et de la famille afin de donner le pouvoir à la femme d'avoir un mot sur la gestion du patrimoine de la famille. La femme rurale fait face à de multiples défis, notamment les violences basées sur le genre, l'accès limité aux terres, et notamment les problèmes liés au trafic des êtres humains et à l'exploitation, etc. Ces défis font que la femme rurale, il lui est très difficile d'accéder au développement et à l'autonomisation parce que la femme rurale, parfois, elle n'a pas droit d'avoir de l'argent en poche et parfois, elle n'a pas droit de se chercher un emploi dans une société ou au niveau de l'État, ce qui constitue vraiment un frein à son développement et une atteinte grave à sa dignité. Je pense qu'il faut vraiment opérer des réformes au niveau juridique parce qu'il faut réviser certaines lois discriminatoires. Il y a l'article 126 du Code des personnes de la famille qui interdit à l'homme de vendre ou d'aliéner le patrimoine familial sans le consentement de sa femme. Cet article dispose ainsi, mais cela n'empêche pas que même si l'homme n'aliène pas les biens constitués au patrimoine familial, cela ne l'empêche pas que cet homme même peut dilapider toute la richesse familiale au cabaret à l'absence de sa femme. Il y a même des femmes qui sont mises à la porte quand il y a la récolte du riz dans certaines provinces ou du café. C'est toujours l'homme qui en jouit. Donc il faut vraiment opérer une réforme et réviser certaines lois discriminatoires burundaises. C'était Prime Mbarubukeye, président de l'organisation ONLCT. Où est ton frère? Il est 13h03 à Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le manque de transparence dans l'octroi des marchés est l'une des causes qui freinent l'absorption des financements pour le développement. Cette analyse de Faustin Dikoumana, président de l'organisation PARSEM, intervient après le retrait par le Fonds mondial des prérogatives de gestion par le ministère de la Santé des subventions de lutte dans la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Sachez qu'un montant de 30 millions de dollars non écoulé va être géré par le programme des Nations Unies pour le développement. Faustin Dikoumana demande pour cela qu'il y ait une commission pour établir les responsabilités des uns et des autres. Cet argent du Fonds mondial rentre dans le cadre de la gestion de l'aide publique au développement qui est régi par la déclaration de Paris. À travers les principes de déclaration de Paris, alors, il y a les principes d'alignement qui autorisent les bailleurs de fonds de recourir aux autres structures de gestion quand les capacités de gestion s'avèrent récipiendaires, s'avèrent insuffisantes. Même dans le CSC, si vous vous souvenez, il y a une grande partie des fonds passés à travers les structures parallèle de gestion parallèle. Alors la cause des années, c'est cette partie de marché qui est biaisée. Les gens veulent toujours avoir des avantages, des tournements ici et là. Et même dans le cadre du CPIA, la Banque mondiale avait toujours donné une note en deçà de la moyenne à l'administration burundaise suite aux facteurs corruption et marché public dans l'administration. Ça, vraiment, c'était déjà connu. Les conséquences, alors, c'est la crédibilité d'un pays qui s'en va au niveau d'argent que le Burundi doit bénéficier. Il faut faire d'abord. Il faut utiliser les instruments qui existent. Nous avons un code de marché public. En cours de révision même, nous avons des instituts comme l'autorité de régulation des marchés publics et la direction des marchés publics. Il y a le Parlement qui doit se saisir de la question, par exemple, recevoir un rapport. Même le Parlement, moi, je demanderais qu'il mette sur pied une commission d'enquête pour établir les responsabilités des uns et des autres et pour prendre des sanctions administratives, si ça s'avère nécessaire, aller même aux sanctions pénales si on trouve des indices sérieux de culpabilité. Faustin Dikomana, président de l'organisation PARSEM. Le Burundi ne perdra rien de son retrait définitif du statut de Rome, mettant en place la Cour pénale internationale. C'est la réaction du président du parti Frodebu, Nyakuri Kefa Nibizi, au moment où ce retrait sera effectif ce 27 octobre. Pour lui, le Burundi est doté de juridictions qui peuvent poursuivre les auteurs de différentes violations des droits de l'homme. On l'écoute. Depuis que le Burundi a adhéré au statut de Rome, la Cour pénale internationale n'a jamais jugé aucune affaire de violation des droits de l'homme au Burundi. Ça veut dire que les Burundais ont été toujours servis par juridiction nationale. Cette Cour a déjà eu, je dirais, des éléments de discrédit, étant donné qu'il y a maintenant deux juges qui sont suspendus à cause d'un mauvais comportement qu'ils auraient affiché. Les infractions qui sont de la compétence dans ce pays peuvent être jugés au Burundi, avoir le code pénal que nous disposons. Mais aussi, il faudra ajouter que les juridictions burundaises disposent d'une capacité, je dirais même une volonté, de juger toutes les violations des droits de l'homme. Pour nous donc, il n'y a aucune perte que le Burundi quitte ce pays. Par ailleurs, il pourrait être à l'abri de certaines injustices parce que nous avons constaté qu'il peut y avoir des pays qui utilisent ce pays pour mettre à l'écart les dirigeants qui ne veulent pas. Il y a certaines associations qui ont déjà saisi cette cour en demandant à la procureure d'initier les enquêtes sur la situation des droits de l'homme au Burundi, a souligné aussi le récent rapport de la Commission des experts des Nations Unies sur les droits de l'homme qui n'exclut pas l'option de commencer les enquêtes au Burundi. D'abord, nous regrettons le fait que ces associations ont porté plainte auprès de cette cour alors qu'ils n'ont pas essayé de porter plainte aux juridictions burundaises, parce que vous savez, là, ce pays est une juridiction complémentaire aux juridictions nationales. Deuxièmement, concernant le récent rapport d'une équipe des Nations Unies, vous savez que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé qu'il y ait un voie des experts qui viendraient soutenir les juridictions burundaises dans les enquêtes approfondies pour que ces enquêtes puissent servir aux juridictions burundaises afin qu'elles jugent les crimes qui ont été commis dans la violation des droits de l'homme. Je pense qu'il faut rester dans ce droit chemin. C'était Kefa Nibizi, président du parti Frodebu Nyakuri. De son côté, le parti Sebanya Frodebu considère que le Burundi n'est pas un îlot qui échappe au regard de la communauté internationale. Fenia Senigawa, porte-parole de ce parti, indique que cette communauté gardera un œil sur le pays malgré ce retrait effectif. Je voudrais vous dire d'abord que le Burundi, ce n'est pas une île. Le Burundi est considéré comme un pays sur cette planète Terre. Et cette planète est réglementée par une certaine réglementation internationale. Ici, je voudrais vous dire que le Burundi est membre de l'ONU. Et sa mission, c'est le maintien de la paix dans différents pays. Or, on ne peut pas maintenir la paix sans d'abord se préoccuper des droits de l'homme. Deuxièmement, le Burundi est membre de l'Union africaine. Le Burundi est membre de RGR. Là également, on parle de la paix, on parle de sécurité. Alors, cela a une incidence sur les droits de l'homme. Le Burundi est membre de l'EAC. Également, là aussi, il y a des exigences sur les droits de l'homme. Le Burundi a des relations avec l'Union européenne. Là, il y a également des exigences à ce qui concerne les droits de l'homme et de la démocratie. Alors, se retirer de ce pays, on ne peut pas chanter victoire parce que ces organisations internationales ont un droit de regard sur le Burundi parce que je dirais qu'un pays ne peut pas, disons, se conduire comme il veut. Il doit respecter cette réglementation internationale. aujourd'hui, on se retire de ce pays, mais le monde a un regard sur le Burundi. Et ce regard-là, ça se rapporte sur les droits de l'homme. Parce que vous voyez que pourquoi est-ce que la CPI avait d'abord fait un clin d'œil sur le Burundi? Parce que ici au Burundi, il y a une violation grave des droits de l'homme. Et la justice burundaise n'a pas pu trouver solution en ce qui concerne les sanctions des coupables. Alors, le monde ne pourrait pas croiser les bras en voyant les droits de l'homme bafoués. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le Burundi, en tant que pays indépendant, a ses institutions judiciaires qui peuvent poursuivre l'une ou l'autre personne qui serait accusée d'atteinte grave aux droits de l'homme? Je voudrais vous dire que le Burundi n'est pas le seul pays membre de la CPI. Même les autres pays membres de la CPI sont indépendants. On a mis ce mécanisme pour prévoir comment punir ceux qui auront commis ces violations des droits de l'homme lorsque les pays hôtes n'auront pas pris l'initiative de punir les coupables. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, l'incertitude règne toujours au Kenya avant l'élection présidentielle prévue le 26 octobre. Dernier rebondissement en date, la démission d'une responsable de la commission électorale, Roselyne Akombe, ce mercredi 18 octobre. Selon elle, la commission dans son état actuel ne peut certainement pas garantir une élection crédible. Dans la foulée, le président de cette même commission a donné une conférence de presse à Nairobi. Il a émis de sérieux doutes sur la tenue du scrutin le 26 octobre prochain. Comment Wafula Chebukati en arrive à cette conclusion? Question. En fait, il a reconnu les divisions au sein même de son équipe, mais également la défense de certains membres envers lui. Par ailleurs, il s'en est violemment pris aux politiciens. Selon lui, les leaders kenyans sont devenus la plus grande menace à la paix et à la stabilité. Certains prédisaient l'annonce de sa démission au cours de cette allocution, mais c'est pour l'instant tout le contraire qui s'est passé. Ces interférences de la classe politique, ce climat délétère, c'est aussi ce que dénonce l'une des sept commissaires de la commission électorale, Roselyne Akombe, qui a démissionné de son poste mercredi et qui a quitté le Kenya. Et à Madagascar, la peste continue de faire des victimes. Depuis plus de deux mois, 878 cas de peste ont été enregistrés et 80 personnes sont mortes de cette maladie sur l'ensemble de la grande île, selon les derniers chiffres transmis par le ministère malgache de la Santé publique ce mercredi. La peste est particulièrement virulente cette année et le bilan s'alourdit de jour en jour. Et sur les 878 cas de peste enregistrés, environ trois quarts sont des cas de peste pulmonaire et cette forme est très contagieuse. Elle se transmet d'homme à homme par des gouttelettes de salive. Sans traitement, elle peut être mortelle en seulement 24 heures. L'Organisation mondiale de la santé maintient l'épidémie de peste au niveau 2. Elle indique que le risque de propagation est modéré au niveau régional, c'est-à-dire dans les îles voisines de Madagascar. À l'international, l'OMS juge que le risque de contamination est faible. Elle ne préconise aucune restriction de voyage. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les grands titres avant de nous séparer. Le café burundais vient de remporter la première place au marché international à travers la compétition Cup of Excellence, à la grande satisfaction du chargé de la communication à la société Intercafé, qui précise que le prix au kilogramme de cette catégorie de café est de 110$, alors que le kilo de café ordinaire ne s'achète qu'entre 3 et 4$ américains. Et le Burundi ne perdra rien de son retrait définitif du statut de Rome, mettant en place de la Cour pénale internationale. C'est la réaction de Kefa Niwizi, président du parti Frodebu Nyakuri, au moment où ce retrait sera effectif ce 27 octobre. De son côté, le porte-parole du parti Sawanya Frodebu considère que le Burundi n'est pas un îlot qui échappe au regard de la communauté internationale. À l'occasion de la célébration ce jeudi de la Journée internationale de la femme rurale, une association de défense des droits de l'homme réclame la révision du Code des personnes et de la famille. La révision du Code des personnes et de la famille et souhaite que les hommes soient obligés de respecter le droit des femmes à être associées pleinement à la gestion du patrimoine familial. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Hakizimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Un bon après-midi.